Section 17 de l'Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Salvetti. Chapitre 4, 4e partie, le gouvernement du roi. Par Léon Spingade. États généraux et provinciaux. L'œuvre des rois de France au XVe siècle a deux faces. La première fait voir la féodalité politiquement ruinée par une série de luttes armées, de confiscations judiciaires, de procès sanglants. La seconde montre la royauté elle-même, assurant son action sur ses domaines et les domaines pacifiés de ses vassaux, par des ordonnances s'appliquant à toutes les parties de l'administration et faisant peu à peu de la volonté souveraine le droit commun du pays. Cette œuvre, sous Charles VII, fut poursuivie d'abord de concert entre le roi et la nation, représentée par les États généraux. Au début de son règne, Charles convoqua presque chaque année les États de la langue d'Oïle et ceux de la langue d'Oc, les premiers à Selles, à Mehun-sur-Yèvre, à Chinon, à Orléans, les seconds à Carcassonne, à Montpellier, au Puy. Quelquefois, les deux langues furent réunies dans la même assemblée. On compte 10 convocations d'État de la langue d'Oïle en 16 ans, de 1423 à 1439, et encore ne les connaît-on pas toutes. Le détail de leur œuvre reste obscur, les contemporains ayant mis plus volontiers en lumière les côtés héroïques et poétiques de la lutte nationale. En définitive, ils aidaient la royauté à vaincre l'étranger, et la royauté, se sentant maîtresse au milieu d'un peuple plus soucieux de repos que de liberté, devait gouverner seule après la victoire. Les derniers états de ce règne furent convoqués à Orléans, 1439, et parurent abdiquer en accordant au roi le droit de lever de sa plaie d'autorité les taxes de compensation du service militaire. De fait, il n'y eut plus d'assemblée semblable jusqu'à la mort de Charles VII. Les États provinciaux, du moins ceux du centre, Auvergne, Marche, Limousin, continuèrent jusqu'en 1451 à être consultés sur la levée de l'impôt royal. Ils devinrent depuis, et encore d'une manière illusoire, de simples agents de répartition. Les bourgeois ne réclamèrent pas, ils échappaient au bon plaisir seigneurial, ils appréciaient les bienfaits et ignoraient encore les abus du bon plaisir royal. La noblesse protesta, d'abord par la praguerie, puis pacifiquement par des remontrances débattues à Nevers, 1441, où elle invoquait déjà le bien public. Le roi répliqua qu'il n'avait que faire de la convocation onéreuse des trois États, et tout fut dit. Le conseil du roi. Le conseil devint alors le véritable, le seul pouvoir législatif et administratif, en fait de guerre, finances et justice. Ses membres étaient choisis au gré du souverain, et suivant la nature des affaires. Il comprenait des princes, des grands officiers de la couronne, des prélats. Il comprenait surtout des gens de petite noblesse et de bourgeoisie, forts de leur science juridique ou de leur expérience générale des affaires, tels que les frères Jean et Gaspard Bureau, Guillaume Coussineau, Martin Gouge, Étienne Chevalier, Guillaume Juvénal des Ursins, Jacques Coeur. Charles VII, qui avait ses jours et ses heures pour travailler avec les uns et les autres, leur doit le surnom qui les honore ensemble, de bien servi. Sous Louis XI, la polyarchie cesse. Le roi porte tout son gouvernement dans sa tête. Ainsi concentré, l'autorité souveraine n'en fut que plus capricieuse. Louis XI ne montra d'esprit de suite que pour abattre ses ennemis. En fait d'administration, il vivait au jour le jour. Ses concessions, faites de gré ou de force, lui étaient dictées par les circonstances. S'il se laissa imposer par les confédérés du bien public une commission de 36 de table chargée d'opérer les réformes dans le gouvernement, Il sut, en peu de temps, avec toutes les formes d'une déférence hypocrite, l'annuler et la faire disparaître. À l'occasion, il savait retrouver les députés de la nation pour partager avec eux la responsabilité de certains coups d'État diplomatiques. Ainsi fut-il sanctionné par les trois ordres à Tours, en 1467, l'acte par lequel il avait dépossédé son frère de la Normandie. En retour, il fut explicitement autorisé à travailler seul au bien du royaume. Et après le traité de Péronne, ce fut une simple assemblée de notables, c'est-à-dire de seigneurs, de clercs et de bourgeois, choisis par lui, qui lui apporta le concours moral nécessaire à la dénonciation et à la rupture de ce traité. L'unité du domaine royal, qui impliquait et préparait l'unité nationale, était en cause. Elle suffisait à maintenir l'alliance du roi et du peuple, malgré l'humeur despotique de l'un et les griefs légitimes de l'autre. États généraux de 1484. À l'avènement de Charles VIII, la nation, invitée à élever la voix, à faire valoir ses droits, reprit conscience d'elle-même dans les États de 1484. Elle redemanda hautement le gouvernement du temps de Charles VII, comme nos pères du XVIIIe siècle redemandaient le gouvernement de Louis XII et de Henri IV. Ces États, s'ils n'ont pas laissé de traces sensibles de leur action, ont un caractère à part. Pour la première fois, les provinces, en dehors du domaine royal, furent représentées. Le droit de suffrage s'étendit aux campagnes, et, dans la plupart des villes, les trois ordres présidèrent en commun à l'élection de leurs députés. 246 membres du clergé, de la noblesse et du tiers-état se réunirent à Tours le 7 janvier 1484. Le chancelier, interprète de la volonté royale, c'était un nouveau français, le comtois Guillaume de Rochefort, prononça un discours où il félicitait la nation de surpasser les nations étrangères par une infatigable activité d'obéissance, et où il sollicitait des députés, outre le vote de subside, le concours de leurs conseils et de leurs lumières. Ceux-ci se partagèrent en 6 bureaux, France, Bourgogne, Normandie, Aquitaine, Languedoc, Languedoil ou France centrale. La réaction contre les actes du feu roi se déchaîna au moins en paroles. Elle trouva une vive expression dans le cahier de doléances de chaque bureau, puis dans le cahier général présenté par le chanoine Jean de Rély. Ce réveil des esprits, cette renaissance de l'opinion, se montre aussi dans les procès-verbaux officieux dressés par le chanoine normand Jean Masselin, et de ces procès-verbaux, on a retenu surtout la harangue d'un député de la noblesse bourguignonne, Philippe Pot, seigneur de La Roche. Ce personnage opposa au souvenir de fidélité monarchique évoqué par le chancelier une revendication amère et tranchante des droits populaires. « Le peuple souverain, dit-il, créa les rois par son suffrage. Ils sont tels, non afin de tirer un profit du peuple et de s'enrichir à ses dépens, mais pour, oubliant leur intérêt, l'enrichir et le rendre heureux. S'ils font quelquefois le contraire, ils sont tyrans. » Les États généraux parurent sanctionner ces maximes en demandant à être convoqués désormais régulièrement tous les 2 ans. Ils ne devaient plus se réunir que 7 fois en 3 siècles. La Cour réussit à paralyser les principales décisions de l'Assemblée et à n'accorder aux doléances que des satisfactions partielles. « Le bien du royaume, dit le chancelier, est le bien du roi. Par conséquent, le roi, en travaillant pour lui, était censé travailler pour la nation. » Cette déclaration ambiguë, qui cachait une fin de non-recevoir, fut accueillie par des murmures. Un député du clergé cria bien haut: « Nous sommes joués. On n'a tenu compte ni des demandes inscrites dans nos cahiers, ni de nos résolutions définitives et des limites que nous avons tracées. » Les débats des États de 1484 ne furent pourtant pas absolument stériles, car beaucoup de leurs vœux furent transformés en lois par des ordonnances postérieures, notamment par la Grande Ordonnance de Blois, mars 1499. L'université, le parlement, les villes. Au commencement de ce siècle, l'université de Paris avait été une puissance. Ces docteurs avaient prétendu réformer l'État en même temps que l'Église. Puis ils s'étaient compromis par leur complaisance envers les Anglais et leur complicité dans la condamnation de Jeanne d'Arc. Tous les pouvoirs, aux dépens desquels elle avait grandi, s'entendirent pour la réformer, c'est-à-dire pour la mater. Elle avait tenu dans ses mains, au Concile de Constance, le sort du Saint-Siège. Un légat du pape vint, 1452, présider à la réforme de sa discipline intérieure et de son système d'études. Elle se disait la fille aînée des rois, prétendait ne relever que d'eux. Elle dut soumettre aux juges ordinaires, c'est-à-dire au Parlement, les causes de ses professeurs et écoliers. De corps politique, elle retomba dans sa condition première de corps enseignant. Encore allait-elle perdre, à la Renaissance, la direction du mouvement intellectuel. Sous Louis XI, les rares voix qui osèrent accuser les abus et les violences du despotisme sortaient de l'Église. L'évêque de Lisieux, Thomas Bazin, infligea au roi une longue mercuriale qui lui valut la perte de son évêché. Le vieil archevêque de Reims, Juvénal des Ursins, s'épancha aux états de 1467 en doléances sur les malheurs publics. À la fin du règne, les sermonnaires Maillard et Fradin, pour quelques paroles intempestives, furent l'un menacé d'être jeté à la rivière dans un sac, l'autre banni à perpétuité du royaume. Le Parlement de Paris, comme l'université, avait manifesté des visées politiques. Louis XI obligea cette compagnie à déclarer, 1462, qu'elle était instituée pour administrer la justice et non les finances ou la guerre. Il la laissa néanmoins en possession du droit d'enregistrer et par là de rendre exécutoires les ordonnances royales. Et s'il lui dénia la faculté de refuser cet enregistrement ou de l'accorder seulement de très express commandement, il toléra de sa part des remontrances au sujet des actes soumis à cette formalité. On a même dit que dans ses derniers jours, il agréa docilement celle que lui présenta le premier président, la Vaquerie, sur un édit relatif à la police des grains. Et c'est ainsi qu'entra dans le droit public français, sous un souverain absolu, une coutume qui constituera, jusqu'à la fin de la vieille monarchie, la dernière des libertés publiques. Les magistrats devenaient, selon l'expression de Machiavel, une autorité qui, sans que le roi eût à s'en mêler, put réprimer l'insolence des grands et favoriser le peuple. La royauté continua à soutenir, à armer contre la féodalité militaire et princière ces seigneuries collectives qui avaient leur siège dans les bonnes villes du domaine ou dans celles des grands vassaux. Pour les nobles, Louis XI instituait, 1469, un ordre de chevalerie, celui de Saint-Michel, qui devait balancer l'influence de l'ordre bourguignon de la Toison d'Or. Aux gens des villes, il octroya de bons et solides privilèges, confirmant d'anciennes chartes, en conférant de nouvelles, où les franchises politiques étaient volontairement oubliées, les franchises économiques, les diminutions de charges matérielles inscrites de préférence. Il s'ingéra autant qu'il put dans le détail des administrations urbaines. Mais, tout en restreignant l'indépendance communale, il favorisa la classe bourgeoise, ou plutôt une certaine classe dans la bourgeoisie. De même que, dans les corporations d'arts et métiers, les maîtres accaparaient toute l'autorité, dans les villes, l'assemblée générale des habitants s'effaçait devant des conseils de notables, formant une véritable oligarchie. Au-dessus du menu peuple grandissait une aristocratie bourgeoise qui fit la guerre à l'aristocratie avec plus de ténacité et de vigueur que le roi lui-même. L'armée, les finances, la justice. La réorganisation de l'armée, des finances, de la justice, telle fut l'œuvre principale du règne de Charles VII. Elle profita d'abord à la paix publique, puis à la popularité et à la force du pouvoir royal. L'armée où avait paru Jeanne d'Arc était presque toute composée de milices urbaines, puis de bandes dont les chefs, routiers et écorcheurs, comme on disait, pillaient à outrance, tout en le défendant, le sol national. Les uns français, le bâtard de Bourbon, les autres étrangers, Rodrigue de Villadrando. Charles VII s'entoura de mercenaires écossais pour sa garde personnelle, mais c'est à une armée nationale, dépendante de lui, qu'il confia la protection du royaume. Les compagnies libres furent interdites, le roi avait désormais seul le droit de nommer des capitaines, et ceux-ci devaient tenir garnison aux frontières, dans les villes chargées de pourvoir à l'entretien des soldats. S'ils rentraient pour vivre sur le pays, les gens des campagnes étaient autorisés à leur résister, et le roi s'interdisait de faire grâce aux délinquants. Ces mesures constituaient à la fois l'unité de l'armée et la police du royaume. Une forme pratique de cette organisation nouvelle apparaît dans les ordonnances postérieures de 1445 et 1448. En 1445, on réunit 15 compagnies d'ordonnances, c'est-à-dire 15 troupes composées chacune de 600 cavaliers groupés en 100 lances garnies, d'abord soldées en nature, puis plus tard à 20 écus d'or par mois. La chevalerie féodale du banc et de l'arrière-banc subsiste, mais à titre de réserve. En 1448, on organise les francs archers. Chacune des 16 000 paroisses du royaume dut équiper et entretenir un fantassin par 50 feux. Celui-ci déclarait franc de toute taille, payé à 4 livres tournois par mois en temps de guerre, mais obligé de s'exercer aux armes chaque année au chef-lieu de la châtellenie. Les francs archers, succédant aux milices communales et aux aventuriers étrangers, constituèrent notre première infanterie nationale. L'artillerie fut, dès ses débuts, une force exclusivement aux mains du roi. Les frères Jean et Gaspard Bureau organisèrent des compagnies de pionniers et de canonniers, d'autant plus utiles que la guerre était alors presque toute de siège, et que les bombardes et les couleuvrines, en élargissant les brèches, rendaient les sièges moins longs et les assauts moins meurtriers. La France serait invincible, a écrit plus tard Machiavel dans Le Prince, si elle eût conservé l'ordre établi par Charles VII. Cet ordre subsista dans ses parties essentielles. La noblesse réclama contre les armées permanentes, qu'elle appelait une charge pour le peuple et un instrument de despotisme pour le roi. Un vœu timide formulé par elle aux États de 1484 en faveur de ses privilèges guerriers passa inaperçu. Elle devait finir par accepter de la main souveraine le droit de commander, et par devenir, de noblesse de fief, noblesse d'épée ou de cour. Louis XI modifia partiellement les institutions militaires de son père. Les francs archers, dispersés en temps de paix dans leur foyer, étaient peu propres à de longues campagnes et firent piètre figure aux batailles de Montlhéry et Guinegate. Louis XI essaya de les organiser en corps d'armée. Il finit par cesser de les réunir et en revint aux mercenaires étrangers. Il augmenta autour de lui la garde écossaise et, avec l'argent levé sur les paroisses, dispensé désormais de l'entretien des francs archers, soudoya jusqu'à 6 000 Suisses. Derrière les Suisses allaient venir les lansquenets allemands. L'infanterie nationale n'en devait pas moins revivre dans les mortes payes recrutées au temps de la guerre folle, dans les légions provinciales de François Ier, surtout dans les régiments constitués sous Henri II qui ont vécu autant que l'ancienne monarchie. De la transformation de l'armée sortit celle de l'impôt. Les revenus de l'État avaient deux sources. Le domaine, les taxes extraordinaires ou de guerre. En temps de paix, le roi vivait des revenus du domaine. La nécessité lui fit trop souvent aliéner partiellement ses revenus ou le fonds lui-même, sauf à les ressaisir quand il le pouvait par ordonnance et en bloc, comme le fit Charles VII en 1438. Le déficit annuel pesa néanmoins longtemps sur le trésor. On voit encore, en 1443, la reine Marie d'Anjou obligée de mettre en gage sa Bible, sur laquelle son valet de chambre lui prête 343 livres. Quant aux dépenses dites extraordinaires ou frais de guerre, on les subvenait par des impôts appelés d'abord indifféremment taille, aide, gabelle. Au XVe siècle, les tailles deviennent plus spécialement les pots fonciers. Les aides et gabelles sont l'impôt indirect sur les boissons, les marchandises mises en vente, le sel. Les aides proprement dites, supprimées en 1418, furent rétablies, du consentement des États, en 1435. C'était le prélude de la révolution financière accompli 4 ans plus tard par une semblable assemblée. La taille du roi, celle qui était levée sur toutes les terres roturières dépendant de la couronne, fut, en 1439, accordée une fois pour toutes et fixée à 1 200 000 livres. Elle devint perpétuelle, étant consacrée à l'entretien de troupes permanentes. Défense s'ensuivit au seigneur d'entraver la levée de l'impôt royal, ni d'en décider aucune à leur gré et à leur profit. Et dans ses bienfaits, entachés d'arbitraire, ceux qui étaient lésés voyaient le commencement de la misère et de la servitude. La taille, jointe aux aides et aux revenus du domaine, élevait l'ensemble des ressources, désormais toutes ordinaires, à 2 300 000 livres. Ces ressources n'empêchèrent point les expédients, tels que les aliénations du domaine, la vente des lettres de noblesse ou de maîtrise, les emprunts, etc. Louis XI, devenu roi, non seulement ne diminua pas les impôts, ainsi qu'il l'avait d'abord imprudemment promis, mais il augmenta quelques taxes indirectes, et ceux qui protestèrent par des émeutes furent impitoyablement châtiés. La taille, plus que quadruplée, s'éleva de 1 200 000 à 4 700 000 livres. Il fallait bien payer les frais de la guerre faite sous toutes les formes à la maison de Bourgogne. Louis XI ne dissimulait pas les maux nés de cette fiscalité. Il s'efforça de les atténuer, il ne se résigna jamais à en supprimer la cause. Lui mort, les États obtinrent le retour à l'impôt du temps de Charles VII, moyennant un droit de joyeux avènement de 300 000 livres. Mais ils ne recouvrèrent pas le droit d'accorder régulièrement la taille royale, et les abus recommencèrent. Les réformes judiciaires de cette époque touchèrent 1. À la législation, 2. À l'administration de la justice. Louis XI, d'après Comines, eût voulu substituer une loi unique, applicable dans tout le royaume, à la diversité des coutumes. C'était prématuré de plusieurs siècles. Charles VII avait une pensée plus pratique, en ordonnant, conformément à des vœux antérieurement et inutilement manifestés, la rédaction et la publication des coutumes. Cette œuvre, négligée par son successeur, ne fut sérieusement entreprise que sous Charles VIII, à la sollicitation formelle des États de 1484. La grande ordonnance de Montil-les-Tours, 1453, a surtout trait à l'organisation des tribunaux de tout ordre, et a pu être appelée par un jurisconsulte moderne notre premier code de procédure. Le Parlement de Paris fut augmenté d'une 4e chambre, dite de la Tournelle, ainsi nommé parce que les conseillers des autres chambres y siégeaient à tour de rôle et consacrée à l'expédition des affaires criminelles. Les élections des membres du Parlement furent abolies, le roi nommant d'ordinaire chaque magistrat sur une liste de 3 candidats présentés par la cour. Louis XI déclara, 1467, qu'il ne donnerait aucun office s'il n'était vacant par mort, résignation ou forfaiture. C'était accordé à ceux qui rendaient la justice en son nom l'inamovibilité et par suite l'indépendance. Il viola souvent, par des destitutions arbitraires, le principe posé par lui. Il institua contre les accusés qu'il voulait perdre des commissions extraordinaires. Dans le Parlement même, il suspendit 3 juges qui n'avaient pas opiné à son gré dans le procès du duc de Nemours et répliqua aux remontrances qu'il était décidé à expurger la cour de tels gens. L'accroissement du domaine royal avait fini par étendre, outre mesure, le ressort du Parlement de Paris. Pour les pays de droit écrit, au-delà de la Loire, le Parlement de Toulouse, qui avait eu déjà une existence intermittente, fut définitivement créé, 1443. 3 autres furent érigés, à Grenoble, dans l'apanage d'Elfinal, 1453, à Bordeaux, 1462, et à Dijon, 1477, pour des provinces nouvellement réunies. Ces compagnies firent sentir, au milieu de peuples où la puissance féodale demeurait plus forte qu'autour de Paris, l'influence de l'administration et de la justice royale. Le Parlement de Paris n'en conservait pas moins sur les parlements provinciaux une certaine prééminence que ces assemblées invoqueront plus tard dans leur lutte contre la royauté au XVIIIe siècle. La pragmatique sanction de Bourges. entre le concile de Florence, réuni sous l'autorité du pape, et le concile de Bâle, héritier des principes proclamés à Constance, Charles VII et avec lui le clergé de France essayèrent de prendre une position intermédiaire. Une assemblée mi-laïque, mi-ecclésiastique, réunie dans la Sainte-Chapelle de Bourges, examina les décrets rendus à Bâle, réunit et sanctionna une partie de leurs dispositions en 23 articles qui composent la pragmatique sanction. Juillet 1438. Les uns concernent les rapports de la France avec le pape, règlent étroitement les cas d'appels ecclésiastiques en cour de Rome, mettent de nouvelles conditions aux levées d'impôts ordonnées dans le royaume par le Saint-Siège. Les autres, purement disciplinaires, se caractérisent par le rétablissement des élections canoniques rendues au chapitre et indirectement au patron, c'est-à-dire à la couronne, à la noblesse, aux universités, et par la suppression des réserves introduites au siècle précédent par la papauté. Afin d'augmenter l'autorité de la pragmatique, on la donna comme inspirée par certains actes semblables émanés de Saint-Louis, dont les documents antérieurs ne gardent aucune trace. L'année suivante, dans une seconde assemblée tenue à Bourges, Charles VII reconnut Eugène IV et demanda en revanche à ce pontife de reconnaître sa pragmatique, offrant de laisser tomber le premier article qui affirmait la supériorité des conciles généraux sur les papes. Ce fut le commencement de négociations qui n'aboutirent jamais. En 1463, Louis XI, au grand étonnement de tous, déclara la pragmatique abolie. Voulait-il, par cet acte de condescendance envers le pape, le rendre favorable aux prétentions de la maison d'Anjou en Italie? Son but principal était de soustraire, par un accord avec Rome, les nominations ecclésiastiques aux autres patrons laïcs et aux chapitres. Cette abolition s'explique et se complète par la convention de 1470. Le pape s'engageait à ne nommer que des Français et à tenir compte de la recommandation du roi. On voit dès maintenant poindre, ici et là, la pensée d'où sortira le concordat de 1516. À ce concordat, qui mit le clergé français sous la tutelle royale, on a souvent opposé depuis la pragmatique comme le code des véritables libertés de l'Église anglicane. On trouve des réclamations en sa faveur jusque dans les cahiers de 1789. La pragmatique était plus conforme que le concordat au principe du droit canon, mais elle était d'une application difficile à cause des prétentions des rois à traiter de plus en plus l'Église comme une puissance subordonnée à la leur en toutes les matières touchant à la fois au temporel et au spirituel. Louis XI, en abolissant spontanément la pragmatique, n'entendait point plaire gratuitement au Saint-Siège et, en 1478, lorsqu'il intervint entre les Florentins et Sixte IV, il jugea opportun de faire proclamer de nouveau par une assemblée, venue à Orléans, l'article plus contesté de la pragmatique sur la souveraineté des conciles œcuméniques. Au contraire, parmi les magistrats et dans une partie du clergé, on était sincèrement attaché à la Constitution de 1438, qu'on estimait propre à arrêter les prétentions de la cour romaine en fait d'impôts, de juridiction et de nomination aux bénéfices ecclésiastiques. Un vœu fut déposé en sa faveur aux États de 1484. Les parlements, qu'on venait d'armer du droit de remontrance contre le roi, commençaient à s'en armer eux-mêmes contre Rome. En matière juridique, ils revendiquaient, ainsi qu'ils venaient de le faire dans le célèbre procès des Vaudois d'Arras, pour les tribunaux siégeant en France, la connaissance des crimes d'hérésie. Toutes les occasions leur étaient bonnes désormais pour invoquer dans un sens favorable au clergé français, et plus encore au roi de France, les libertés de l'Église nationale. Richesse publique, commerce, Jacques Cœur. Si la paix publique fut presque constamment troublée, même après l'expulsion des Anglais, la nation put néanmoins reprendre haleine. Les paysans, dit le chroniqueur Mathieu de Courcy, s'efforçaient à labourer et à réédifier leurs maisons, à essarter leurs terres, vignes et jardinages. Plusieurs villes et pays furent remissus et repeuplés. C'est le même écrivain qui a parlé, sans trop d'exagération, du règne de Jacques Cœur. Ce fils d'un marchand pelletier de Bourges fut en effet un moment le personnage le plus riche, le plus puissant, le plus envié du royaume. Sa caisse avança souvent, sans intérêt, les sommes nécessaires aux frais de la guerre nationale. D'abord maître des monnaies et argentier du roi, il fut anobli et chargé de missions administratives et diplomatiques importantes. Il resta néanmoins avant tout un commerçant, un homme d'affaires. Sa principale maison était à Montpellier, avec des succursales dans les principales villes de France, des comptoirs à travers toute la Méditerranée. Il possédait un hôtel splendide à Bourges, des mines d'argent, de plomb et de cuivre, dans le Lyonnais et le Beaujolais, 40 terres et seigneuries. Les plus grands étaient ses débiteurs, et la France avait recouvré par lui son prestige dans l'Orient chrétien et musulman. Les privilèges qu'il s'était fait attribuer, sa fortune, son ambition toujours croissante, excitèrent la jalousie et la haine. Ses ennemis l'accusèrent d'opérations illicites, d'abus de crédit, de concussion, de relations suspectes avec les infidèles. Il fut arrêté et emprisonné, 1451. La commission chargée d'instruire sur les faits qu'on lui reprochait lui refusa des avocats, l'audition de témoins à décharge, et le menaça de la question. Après 22 mois d'emprisonnement, il fut déclaré, mai 1453, coupable de lèse-majesté, c'est-à-dire passible de la mort et de la confiscation des biens. On lui laissa la vie et une partie de sa fortune, mais il dut faire amende honorable et fut séquestré dans un couvent de Cordeliers. Il s'en échappa pour fuir en Italie et mourut à Chio, en 1456, commandant des galères pontificales sur la Méditerranée. Charles VII et Louis XI, par les demi-satisfactions et réparations qu'ils accordèrent à son fils, semblèrent rétracter une sentence qui avait, dès le premier jour, blessé l'opinion publique et la fierté nationale. Cette participation des gens de négoce à la vie publique se poursuivit sous Louis XI avec moins d'éclat, par Jean de Beaune, le marchand de draps tourangeau, et son gendre Brissonnet. Sous cette influence nouvelle, les barrières que les privilèges féodaux ou municipaux opposaient au commerce intérieur s'abaissèrent. Avant Colbert, Louis XI organisa en faveur de l'industrie nationale un véritable système protecteur, et avant d'autres hommes d'État modernes, il conçut plus d'une réforme réalisée depuis. Car on sait qu'il désirait l'unité des poids et mesures dans tout le royaume, la suppression des péages intérieurs reportés aux frontières. Il voulait que le commerce ne fût point une cause de dérogation pour la noblesse. Il tenta même, sous le couvert des immunités diplomatiques, une exposition des principaux produits de l'industrie française en Angleterre. On lui doit des traités de commerce avec Venise et les villes hanséatiques. L'établissement des postes 1464, c'est-à-dire de maîtres qui tenaient de 4 lieues en 4 lieues sur les principales routes, des chevaux pour le service du roi, lui fait moins d'honneur ayant eu lieu à son profit exclusif. Le public ne commença à bénéficier de cette institution renouvelée des Romains qu'en 1506. Les universités, l'imprimerie. Les universités continuaient à enseigner selon les méthodes traditionnelles, et leur nombre s'accroissait. Celle de Poitiers et de Caen, démembrement provisoire de l'université parisienne au profit du parti français ou anglais, survécurent l'une et l'autre à la guerre de Cent Ans. Sous Louis XI, on vit s'établir celle de Valence, de Bourges, de Bordeaux. Celle de Nantes et d'Aix rapportent leur origine au duc François II et au roi René. Une dernière fois, la querelle des nominalistes et des réalistes fut agitée sur les bancs universitaires et parut assez vive pour que Louis XI y intervînt à sa manière ordinaire, en prohibant pendant plusieurs années les livres des premiers. C'était le même prince qui accueillait en France quelques-uns des savants grecs chassés de Constantinople et avec eux l'humanisme, c'est-à-dire une des puissances du siècle suivant. L'imprimerie vint à Paris des bords du Rhin dès 1469. 3 des auxiliaires de Jean Furst, Ulrich Kering, Martin Kranz et Michel Freiburger, appelés par le recteur de l'université, établirent un atelier dans le collège de Sorbonne et publièrent un certain nombre d'ouvrages religieux ou classiques. Louis XI les avait exemptés de droits d'aubaine en considération de la peine et labeur que les dix exposants ont pris pour ledit art et industrie de l'impression, et au profit et utilité qui en vient et en peut venir à toute la chose publique. Les imprimeries se multiplièrent bientôt à Paris et dans les autres villes de France. Un monde nouveau se levait, qui pouvait déjà dire du Moyen-Âge ce que le poète Villon disait alors du pieux Charlemagne et de la bonne Lorraine, « Où sont les neiges d'antan ?» Fin de la section 17.